Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants, coucou les parents. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu et je suis le créateur des petites histoires. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait pour produire toutes nos histoires et pourquoi votre soutien est essentiel. Depuis juillet 2018, on a diffusé plus de 200 histoires sur le podcast. Ce chiffre est tout simplement dingue et cette aventure complètement folle. Et rien que pour ça, je dois vous dire merci de nous écouter et de nous faire confiance. Produire toutes ces histoires demande du temps, beaucoup de temps. Il faut les écrire, les enregistrer, les monter, les illustrer, sans compter que, pour certains épisodes, il y a tout un travail de création d'ambiance, de bruitage et de musique. Au total, il faut 185 jours de travail pour créer une année de petites histoires. Vous le savez peut-être, mais je ne suis pas seul pour produire toutes ces histoires. Les petites histoires, c'est toute une équipe, composée de Cécile, Thomas, Karine, Arnaud, Abel, Léa, Celsian et tous les illustrateurs qui nous accompagnent chaque mois. On travaille tous avec plaisir et passion sur le podcast. Pendant 2 ans, j'ai tout financé de ma poche. Parce que je crois qu'enrichir l'imaginaire des enfants, leur offrir des aventures qui les font réfléchir et des histoires qui provoquent des discussions est primordial. En avril 2020, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais me permettre d'investir dans le projet. Heureusement, on a pu continuer grâce à des sponsors qui nous ont soutenus financièrement en échange de la diffusion de messages publicitaires. Le podcast a besoin de faire évoluer son modèle de rémunération pour continuer à vous apporter chaque semaine de nouvelles histoires et développer de super projets comme des calendriers de l'Avent ou des chasses au trésor. Vous êtes plus de 80 000 à écouter les petites histoires chaque mois et je vous en remercie. C'est là que vous entrez en jeu. Si 2000 d'entre vous s'abonnent aux petites histoires, nous pourrons continuer à développer toutes nos idées. Et vous, vous pourrez profiter pleinement du podcast. S'abonner est très simple, sécurisé et sans aucun engagement. Pour 2 euros, vous pourrez profiter des petites histoires sans publicité. Et pour 6 euros, en plus de ne plus avoir de pub, vous aurez droit à une histoire en plus chaque mois et des surprises. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Et si vous ne pouvez pas vous abonner, sachez qu'en acceptant d'écouter les publicités diffusées dans le podcast, vous nous soutenez déjà. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.